Putain, on va avoir des problèmes avec cette chanson. Oh, mais non, mais putain, vous êtes vraiment pessimiste là. On est vraiment dans la merde. Mais la liberté d'expression, elle est faite pour qui? Ouais, mais Sarkozy, Sarko quand même. Sarkozy, s'il te plaît. Déjà, tu mets Sarkozy dans le même. Ouais, ouais, Sarkozy, j'avoue. On peut peut-être changer le nom de la chanson. Non, mais mec, attends. Mettre Sarko. Sarko Kiki. Franchement. Non, non, ça changera rien. Ouais, non, j'avoue, ça changera rien, ouais. Non, ça commence à me faire flipper, sérieux, cette histoire. Franchement, moi aussi, je suis sûr qu'on est déjà sur écoute, là. Mais tu crois qu'il y a quelqu'un qui enregistre, là ? Le GIGN qui va débarquer dans 2 minutes. Le GIGN ? Genre, le GIGN ? Le GIGN, pour nous ? Pour Sarkozy, pour ils vont nous défoncer la gueule. Allez, casse-toi, casse-toi, pauvre con, c'est bon. Oui, bah oui, je vais me casser, exactement, je vais me casser, ouais. Ouais, bah, c'est moi, je veux pas être mêlé à vos conneries, là. Mais, putain, je veux pas finir en taule, moi, putain. Non, non, non, tu veux pas abandonner le canard comme ça, sérieux? Moi, je me barre, c'est qu'on vous démerde avec eux, mais je veux pas avoir d'emmerde. Non, mais on est chez toi déjà, tu peux pas te barrer comme ça si on est chez toi. Il y a toutes les preuves qui sont ici. Et toutes les preuves sont là, hein. Et j'entends déjà les sirènes. Non, non, mais. On va te niquer. Bon allez, non mais là c'est enregistrement. Là je pense que c'est pour nous. Je vais niquer tous les enregistrements. Je vais niquer le PC parce que. Putain, comment ça s'éteint cette connerie?